Nous sommes donc un vendredi après 21h, ou pile à 21h, mais en fait il est 21h10. Au fond du couloir, on entend un beg. Qui bégait. Esclavagiste. Une pensée obstruante, toujours pour la démentielle. Ou le démentiel. Au choix. Contrairement à certains sur cette antenne, nous donnons un choix. Vous pouvez toujours changer d'avis. Vous le pouvez, donc ne le faites surtout pas, ce pourrait vous faire peur. Comme couler du nez ou saigner des orifices, fait peur. Pourtant, la résonance d'une corde toujours emmitouflée est repartie à l'envers. Pour repartir à l'endroit encore une fois pour enfin finir cette corde. Théorie toujours valable à ne pas valoriser. C'est donc comme je vous disais l'émission Nuisance, il est 21h10, un vendredi environ le 10 ou le 11 ou peut-être le 9 décembre 2010. L'émission Nuisance est donc une émission de radio phonique. Une expérience sonique. L'émission Nuisance, une expérience sonique. Alors, où en étions-nous ? Nous discutions donc du présage. Quel bâtard. Le fameux présage instauré en 2010, celui d'une tombe, outre la mesure cuidance, ce ne peut résonner en un. Car il y a des nains et il y a des géants. Ganté ou non. De cuir. De cuir mou. Toujours la permissive réaction, donc ne réagissez surtout pas. Ce n'est pas le bon moment. Êtes-vous déjà mort ? L'impossibilité est donc la si. Waf waf. Le lasso turbulent, toujours pointant son bout de casque. Le nez dirigé vers le pointant, vers le bout du casque, c'est-à-dire vers toi, là-bas. Casque-toi. Et puis protège-toi des absurdités insanes d'un monde. Du monde. Humain. Tu es en latence. Tu vas crever. Oublie-le. Monde humain. Sois une machine. Une machine à tuer. Oublie que tu vas mourir pour tuer la machine. Car tuer la machine est la voie suprême de la discipline. Alors disciplinons-nous, n'est-ce pas, pour tuer la machine. c'est une machine organique et bien vivante, celle-là, elle respire. Nous pouvons la tuer. Nous le devons. Nous sommes soumis aux forces naturelles de la mort. Et n'oublions pas que nous puons. Et ne nous lavons pas d'eau, mais de sang. C'était donc une version de la Marseillaise chantée en bulgare. J'espère que vous avez bien compris. Tolérant, lui, fourvoie. La passion oblitérante ne défait pas le chemin. Ni l'anticipatoire subversion ne permet rien en fait, car ni ne permet pas non plus. Le langage est une forme d'onde, une forme ondulante, ondulatoire, ondulatoire, ondatoire, ondulatoire, action. Autrement dit, il y a d'autres façons de voir la merde. Que d'en face, l'on peut devenir la merde et boire le sang des pauvres. En criant gare, gare pauvre, tu vas souffrir, gare à toi. Nous parlions donc de machines humaines. Je n'en dirai pas plus. Excusez ma voix de merde, j'ai la crève. En même temps, on peut pas dire que je ne pratique pas ce que j'enseigne. Soyons de la merde. Car c'est naturel pour nous. Cela nous est tellement naturel que nous la mangeons chaque jour. Nous nous lavons avec. Que dire de plus? Nous la sommes devenus. Nous sommes puants et de la merde. Toujours sacrificiel, toujours incantatoire, nuisance et sur les ondes de Canal Sud. Encore une fois. Espérons la dernière. Ah. L'habitude se fait rare. Et pendant cela, tout le monde chie. So fuck it, man. Who gives a shit? Anyway, we're all gonna fuck each other up the asses, and blood is gonna spit out the holes. Yeah. We'll be fucking each other's asses so much, we'll be screaming for shit. Like this. We'll be screaming, shit. I want shit. Make me shit. Make me become shit. I love shit. we are shit at last. Forgive our sins, we are changed into butterflies, fluttering by the blood. The organic whisper on the sand is fucking me up. Now, have you heard about the monk? Yeah, the Buddhist monk. In the village, I mean. Was he dead? Or was he already alive, man? Who gives a fuck anyway? Pourtant, la passion est toujours débilitante, ne l'oublions pas. Humanité. Je disais donc que l'ordre se maintient naturel de merde. Ou devrais-je dire à chier ? Ou peut-être devrais-je dire « Allez tous vous faire enculer ». Selon les philosophies diverses, l'on pourrait également dire « Allez tous vous faire buter par vous-même en vous pendant par les strings de votre sale cul de merde, espèce de connard, d'enculé, de sale race. » Humaine. Nous disions donc, ce soir, sur ce jongle, nous allons entendre la théorie d'un placenta unicellulaire. La machine. Alors proutons en joie et ensemble, la voix... merdique. So fuck it, man. Fuck it, woman. We are all gonna shit. And so be it. We are all gonna shit. The horrible versions of acrid dispersion are not to be taken lightly. As I was saying, the stupid fool fucked me up the ass. And that's what I liked about it. That's what I liked. Comme nous le disions, il m'a enculé et c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé. La machine a donc sodomisé l'individu. Lui disant de ne pas se sodomiser soi. Pourtant, si, il faut le faire, machine. Il faut le faire, machine. Sodomise l'individu. Quel changement! Thank you. avant de cesser toute chose, commençons par mourir. Mourir la merde que nous sommes. Individus. Une pause momentanée pour vous rappeler que c'est sur cette onde que l'on est tous merde. Alors avançons dans la joie et la bonne humeur en chantant des chansons de merde. Des chansons de merde comme Allons enfants de la patrie ou Sieg Heil. C'est la même chose. Nous en parlions donc dans le magazine précédent, l'annonce, obstruant la pensée, je disais donc. Il y a 2 mois de cela, fut la dernière émission de nuisance. En voici la première. C'est-à-dire la première depuis 2 mois. C'est donc une émission radiophonique. Nique. Et vous allez tous crever. De merde. Je devrais même dire « nous allons tous crever de merde », mais je suis un sale égoïste. Je préfère vous éliminer toutes et tous. En parlant d'éliminer, je voulais dire tuer, bien sûr. Tuer toutes et tous. Se parle aux âmes du Seigneur. Mourons ensemble. Je vous entends déjà crier. Oh, cruauté, cruauté ! Es-tu humaine ? Besoin de répondre à cela. C'est-à-dire que d'un côté ou d'un travers de côté, on peut se faire enculer, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire marrer les enculés alors ? Les gros porcs, par exemple. Les gros porcs. On les fait marrer. Nous. Ils rient. Et les grosses truies aussi. faut une formule de politesse. Vite, une formule de politesse. A plus B égale, entre parenthèses, 1, fermez la parenthèse. Formule de politesse. En parlant de bonheur, blablabla. Il est vrai que la dernière fois que j'ai dit bonheur, personne n'y a cru. Poisson. Mais dans ton bocal, me vois-tu vraiment tel que je suis réellement ? Ou suis-je déformé par le bocal en verre ? VERS. Les vers de la terre. Nous sommes les vers de la terre. Nous sommes les... Pour se supporter, donc aimons la laideur et non la beauté, bande de nazes. Et puis tant qu'on y est, ça va ? Ça, c'était pour la rime. Ça rime avec Rimmel, comme trou du cul. Alors, tant qu'à faire des rimes en L, je veux dire, eh bien, merde. Forgeons-nous par des actes de merde. On peut faire que ça. Alors mourons, mourons, heureux, comme des gros porcs de merde. Et tant qu'à faire, avant de crever, crevons l'abcès. L'abcès dans le cul. Ça suinte. Que ça suinte. Nooks and crannies are everywhere, like granny's pussies are wet and rancid. The acrid smell. The turnover pipes, the jam on the jelly roll, was the biscuit of my fucking bum. Now, let's talk about bums. Let's talk about bums. I live in a bum hole. It's called Earth. Well, Earth is not the fault, I mean. It's more like, I really believe I'm part of something horrible. Monstrosity. Monstrous. Like smells everywhere, and stench in my body. I smell of shit. Shit is in my bones, In my mind. In my language. I'd rather be nothing than be shit, you know. Tu sais, j'aimerais rien être plutôt que d'être de la merde. Tu sais. Mais tant qu'à faire, autant l'accepter. Alors, individualisons les connards et butons-les tous. Putain de bordel de merde. Quand c'est que ça va s'arrêter ? J'y vais à un magazine l'autre jour, ça parlait d'un connard. J'avais envie de le buter. Alors j'ai brûlé le magazine. Avec mon pied, puant et plein de merde. J'ai marché tant exprès, et pas du pied gauche, du pied droit, pour étaler la merde sur ce connard et le brûler. Continuity is quite a story I've got to tell. It goes like this. 1, 2, 3. Fuck you. Croyez dur comme fer, hein, à votre cycle menstruel. Vous avez bu quelque chose au moins ? Dans votre sang ? Vous avez lu dans votre sang ? Je le boirais, votre sang, si seulement je savais qu'il était impur. Parce que la pureté du 100%, je le chie. 100% je le chie, et la pureté du 100% je la prends et je l'empale par le trou de balle, car je m'appelle Al. Al-Lal. Alors bouffez-moi, je suis cachère et je vous encule. Alors mort aux vivants, mort aux troupes, mort à toutes et toutes ces merdes en touffe. L'émission Nuisance a commencé il y a 3 ans et demi et je sais que je n'en ai rien à foutre de quand ça a commencé. Je sais où ça en est. Et c'est vraiment à chier. Car on est vivant. Et c'est bien ça le problème. Car que l'on crève, au moins, ça soulage un peu. Tu sais ? Ou pas ? Ou pas ? Non, je crois pas que tu saches. Parce que Fifi, ce pupu du cucu, connard, je vais me faire enculer. « Que vivent les mensonges politicrates et bureaucratisons la démence. Le papier volera dans toutes les directions, sauf en direction de la valise qui pue. Derrière la saturation d'une distorsion effectuelle, l'on peut percevoir les annihilations rémanentes, ou devrais-je dire lancinantes, d'une turpitude volontaire. Alors turgessons ensemble, mes frères et sœurs, turgessons. C'est ça, c'est comme ça que ça se dit ? Alors, pour parler de turgescence, l'anus est bien placé. N'est-ce pas, anus ? Oui. Alors, anus, comment vas-tu ? Je vais bien. Je suis un robot, anus. Mais tu as toujours été un robot, anus. Oui, je sais. Le mensonge vit. Vive le mensonge. Alors, soyons intelligents et bouffons de la merde. En boîte ou fraîche, c'est que de la merde. Ceux qui ont de la bonne bouffe ont plein de thunes et donc claquent un max de blé pour payer leurs esclaves pour qu'ils se taisent et qu'ils frappent la tête contre leur mur pour faire des traces de sang sur le crépi. Ainsi, la décoration sera évolutive, n'est-ce pas ? Car d'un rouge flamboyant, la couleur du sang changera en une démentielle caca marron puant. C'est pour l'accord avec l'adjectif. Accorder ainsi, le mur et l'adjectif ne feront qu'un ou qu'une, devrais-je dire. Elles ne feront qu'une avec le trou de balle de l'enculé. C'est-à-dire le patron, n'est-ce pas ? L'enculé, le patron. Le patron aura donc une alarme dans le cul, qu'il ne suffira que d'activer de temps en temps pour qu'il comprenne d'où viennent ses hémorroïdes. Car les nains, comme les pauvres, ont des énormes sexes. Et que le patron, tel un sphincter retenu, eh bien ce patron pue du cul. Je suis bien passé puisque j'ai un patron. Ce patron, c'est monsieur. Monsieur. Très rarement, il y a des madames patrons. Mais il y en a quand même, il faut le reconnaître. Elles aussi sont des enculées, ont des sphincters qui retiennent tout. Et elles puent également du cul. Les gueux et les gueuses, donc, ont des gros sexes pour faire mal au rectum des riches. C'est dans l'ordre naturel des choses. il faut donc pratiquer la pénétration rectale dans les riches pour atteindre l'union mystique avec son sexe. Ensuite, vous aurez la conscience schopenhauerienne d'être un sexe puant la merde de patron. Et c'est ainsi que vous verrez la lumière, d'abord rouge, éclatant. Éclatant même. Les viscères des patrons, ce rouge éclatant, flamboyant, vous le boirez des yeux. Vos ouïes ne seront pas oubliées, poissons, pourris par les patrons, non car gueux et gueux. Vous aurez vengé rien du tout. Vous vous serez fait plaisir en niquant des gros porcs et des grosses truies. Maintenant, pour les femmes d'entre nous, les gueuses donc, je vous conseille des gots de ceinture d'une taille approximativement égale ou supérieure à l'extrémité de la chose. Et c'est en comptant jusqu'à 2528 fois dedans et 2528 fois dehors que vous atteindrez l'extase de la souffrance du patron. Et le patron, lui, ne vous inquiétez pas, n'aura aucun effet bénéfique. Ça a à voir avec le sacrifice, vous comprenez ? Le sacrifice de soi. Car derrière tout plaisir immédiat, il faut faire attention, attention, attention. Alors, qu'avez-vous à dire, public adoré ? Auditeur, auditrice ? Les conventions sont-elles respectées ? Est-ce assez conventionnel ? Ou peut-être devais-je dire, est-ce assez conformiste à votre goût ? Car nous n'avons qu'un seul goût, n'est-ce pas, en Conformiland ? Le goût de chiottes, dans la bouche, dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. Et n'oublions pas, dans le trou de balle. J'en profite pour dédicacer ce poème à mes parents adorés que j'aime très chèrement. J'espère qu'ils ont une assurance vieillesse qui leur permettra de ne pas mourir trop tôt. Qu'en fait j'en ai rien à carrer puisqu'ils ne sont que des sexes géniteurs, comme Al n'est pas un géniteur lui, d'où les débordements, on pourrait même dire éclatements, à voir avec la respiration. On disait un univers respirant, vivant. Une cosmologie interagissante. Interagissante avec elle-même, oui, c'est très intéressant, j'avoue. C'est même passionnant. De conneries. De merde. Alors, tuons tout le monde. Ça ira plus vite. Il y aura pas à choisir. Communiquons avec la merde que nous sommes. La peur ne suffit plus à exprimer la rancœur. Alors, pour faire plaisir à mes fans, je vais rôter. Si j'y arrive un peu plus fort, peut-être. Ah, ça y est. Merci. Nous sommes donc la merde. Et ne l'oublions pas, le F à la fin de MEDEF veut dire « fuck the MEDEF », n'est-ce pas? Et le P à la fin de UMP veut dire « peace sur l'UMP », n'est-ce pas? Je n'irai pas plus loin. Je me sens l'imagination débordante ce soir. Je me briderai donc la conscience en racontant des merdes genre pub. Propagande, c'est la même chose. Le monde est beau. Achetez, procréez, louez le Seigneur, Monsieur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est petit, le Seigneur est puant. Loué soit le Seigneur. Institutionnellement, c'est une parole verbale. Alors constituons, comme boule au cul. Et ça y est, l'averse est dorée. Le micro-ondes grésille. Le moins 6 est pitché. Le contrôle ne MDLP. Play. Oh, j'en ai marre de ce son pourri, je vais mettre des basses maintenant. Vous n'allez plus rien comprendre. Disons que je vais mettre des brosses. Vous n'allez plus rien comprendre. Et vous ne comprendrez plus jamais rien. Ceci est la merde. Vous êtes la merde. Achetez la merde. Mangez la merde. Procréez la merde. Baisez la merde. Payez la merde. Faites-vous payer par la merde. Vous êtes la merde. N'est-ce pas? J'ai dit n'est-ce pas? Contrairement aux mensonges, la vérité n'est pas dirigée. Elle n'est pas calculatrice, ni intellectualisante. Et je ne dirai pas le mot qu'elle est. Car l'intuitivité ne se trouve pas dans les mots, n'est-ce pas ? Si vous écoutez cette émission depuis son début, c'est-à-dire à 21h10 ce soir, vous êtes carrément ouf. Les erreurs n'atrophient pas le mental, bande de nazes, moi y compris. Écoutons la voix de Dieu. Dieu passe par mes entrailles, et je chie sa parole, pour vous donner un éclat éblouissant. La bassesse humaine ne permet pas. La bassesse humaine ne permet pas, point. Oh non, elle ne permet pas. Le point. La bassesse humaine. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la bassesse humaine ne permet pas le point dans la gueule de ces faffes de merde qui puent ? Car ils vivent de leurs émotions. Ces porcs vont donc crier avant la saignée et pendant aussi. Ça va faire des gargouillis. Belle est la vie. Je parlais d'ondulatoire phénoménologique tout à l'heure. Et dans le Valhalla des Jamaïcains, la bœuf coule à flot. Mais nous ne sommes pas en Jamaïque, et ce n'est pas le Valhalla. Merde. J'ai oublié de vous dire que nous étions sur Canal Sud, les ondes du 92.2 FM à Toulouse, en France. Et dès que vous en aurez marre de ma voix pourrie, vous pourrez m'appeler au 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. Et je vous passerai l'antenne pour vous dire d'aller vous faire foutre. Quoique non, j'ai décroché le téléphone. En même temps, ça pourrait être une conversation intéressante puisque vous pourriez me dire d'aller me faire foutre, n'est-ce pas ? Ce qui pourrait risquer de peut-être créer des émois en moi. Roux en vouque. Et nous pourrions nous rencontrer plus tard pour nous taper sur la gueule, peut-être. Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas, être humain ? L'on pourrait se donner rencard, même plus tard, pour se prendre dans les bras et se foutre la gueule par terre. Chacun à son tour, tu vois. Ensuite, si tu veux, je me sacrifierai pour toi. Je me poserai la gueule contre le trottoir et tu pourras m'éclater la tronche avec tes pieds coquets. Pour les protéger. To serve and to protect. My ass is full of shit. Protect me from my shit. protect me from my ass, protect me, to serve and to protect. Service à domicile. Gratuit, sauf pour l'achat du matériel. Et de l'électricité. Alors si, et seulement si, vous comptez réécouter cette émission le vendredi prochain, elle n'est pas finie, c'est... Enfin, pour ceux qui savent, elle n'est pas finie, mais... Enfin, je pourrais dire ça plus tard, à la limite. Ouais. Quoique, au cas où, j'oublierai, donc... Alors, si vous voulez vraiment écouter la radio la semaine prochaine, n'hésitez pas à payer votre facture d'électricité, et voilà... En fait, n'hésitez pas à payer quoi que ce soit d'ailleurs. N'hésitez pas à payer. Vous êtes là pour ça, machine. Le rapport de la machine à Hal est dans le ciboulot. Le ciboulot est pris dans la main. De le sac, 2, 3, 4, à 5, et bordel, je sais plus compter. Alors, allons-nous faire, enculé, parce que je sais chanter. Vive la musique. La musique des mots. Aïe, aïe, aïe. Bordel de merde! Ça va pas s'arrêter! Bordel de chiottes! On va tous crever! Yé yé yé! Vous y croyez, vous, qu'on va crever, quoi? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. C'est ce qu'ils nous disent, là, les autres, là, qui nous disent toutes leurs conneries de merde, là, depuis longtemps, tu vois. Moi, j'y crois pas, tu vois. Je crois pas qu'on va crever, non. Ça m'étonnerait grandement. En parlant d'émotions, calmons-nous, calmons-nous. Bordel, venez au 40 rue Alfred Duméril ce soir, c'est-à-dire aux locaux de Canal Sud. Attendez-moi devant la porte, et quand je sors, acclamez-moi. Acclamez-moi. Je suis un génie, mec. Meuf. Un putain de génie, quoi. Non, mais tu vois, quoi. Je veux dire, j'ai jamais rien vu de plus génial que ça, tu vois. Y'a rien de plus génial, d'ailleurs. Ça a rien de voir, d'ailleurs, parce que c'est génial, quoi. Trop bon. On est trop con. Alors plutôt que de dire des conneries, je vais rouler une clope pendant quelques secondes. Et la musique continuera à tourner. Car c'est un CD, c'est rond, un CD, et ça tourne. Comme une cassette, ça tourne aussi, les trucs d'une cassette, c'est rond. Et un vinyle aussi, c'est rond. En fait, il n'y a que des cercles partout. C'est l'enfer! Nous sommes donc humains, et nous mettons la faute sur les humains, car les humains sont coupables. Mais si l'on regarde bien, et qu'on s'informe de plus près, des raisons de ces décisions, l'on rencontrera le mur de l'arbitraire. Le mur du judiciaire. Et nous serons mis en cercle, en milieu, au pire. Car il y a une chance de se marginaliser. La possibilité est offerte. Oui. Si ça vous plaît pas, on peut toujours vous barrer. Cet espoir, vrai, il est vrai. est encore un cadeau des patrons. Le saint patron monsieur, par exemple, est un gros con. Dans le sens non sexuel du terme, c'est-à-dire que c'est un gros porc. Dans le sens monétaire. Alors, pour contrer l'arbitraire, il n'y a rien à faire. Car ce bâtard est un enculé. Et nous le savons très bien. La discussion est donc inutile et ce n'était pas une discussion. Ce n'était pas une discussion. Non. C'était un discours. Un discursif. Latent. Qui manque à s'exprimer dans une société criminalisante, car déformante. Cette société, cette institution, refusée par la majorité de la population, mais non dans les statistiques. Ne blâmons pas l'humain, alors, peut-être. Nous devrions blâmer peut-être les statisticiens. Les monstres déformants derrière leur miroir convexe ou concave. Qui s'auto-branle les cycles. Cette branlette cyclique est dite. Et elle est crue. Comme le poisson pourri qui nous donne à bouffer. Nous sommes la merde aux yeux des dirigeants, surtout tout en haut de la pyramide. Nous sommes la fange humaine, vous comprenez? La philosophie du dirigeant et du patron est celle de la statistique. Une philosophie bien niaise, car biaisée, par la direction que prend la tournure en question. Des dés sont jetés et les âmes abandonnées, au mieux, sinon brûlées, vives, sur un bûcher d'iniquité, celui de leur propre refoulement. Et dénégation. Les patrons, donc, blablabla, blablabla, et les maîtres, sa pensée, blibli-bli, blibli-bli, seront morts un jour. Il n'est pas trop tard pour agir. Résistant, résistante, il vous reste peu de temps. Mais avec l'aide de personne, vous n'y arriverez. D'ailleurs, il n'y a aucun espoir, sachez-le. Comprenez-moi bien, l'espoir n'est pas sur la voie du voyage. Qu'est cette vie? Ce voyage sur l'Hadès hante. Vous êtes offert par maître, monsieur. Esclave, machine, entre guillemets, être humain. Ne réagissez surtout pas, c'est un piège. D'ailleurs, dès que vous le pouvez, et en toute discrétion, barrez-vous. Il est déjà trop tard. Il vous reste une possibilité, et tout en Camon l'a dit, le carton est un bon investissement. Je veux dire par terre ou autour de soi pour dormir dans la rue l'hiver. Le carton est un bon investissement. ou si vous appréciez le vol. Vous n'avez qu'à vous calmer. Si vous appréciez les armes, vous n'avez qu'à devenir flic. Si vous appréciez la fange humaine, il n'y a rien à faire. Il ne vous reste qu'à vous sacrifier pour vous-même, car dans un monde individualiste, l'égoïsme est roi. Réaliste. Et Al. Sois réaliste. La merde, c'est la merde. Et quand on est la merde comme nous sommes la merde, l'on ne peut rien faire à part se faire bouffer par les bactéries symbiotiques. Donc cultivons la bactérie symbiotique unicellulaire dans nos trous de balles. Comme ça, on pourra crever en paix. Prout. L'osmose. L'osmose. Laisse-moi régler le son. M'entends-tu? L'osmose. Oh. L'osmose. C'est fini, il n'y a plus d'osmose. N'oublions toujours pas que nous sommes des êtres finis à chaque instant. Comme le temps d'ailleurs. Et fini. Et l'espace aussi. Nous ne sommes donc pas infinis comme ils veulent nous le faire croire dans leurs films de merde. Compris ? Il n'y a pas d'espoir, je vous dis. Il n'y en a pas. C'est une illusion. Du mental et du sentiment humain. Alors n'oubliez pas, vous êtes déjà mort. La science n'a jamais, mais alors jamais, rien sauvé. Que le rien, c'est-à-dire la thune. Compris ? Il y a un rapport entre la monstruosité, c'est-à-dire non l'animalité, mais bien la machinalité. Il y a un rapport donc entre la monstruosité qu'est la machinalité et la thune. Et ce rapport est dans l'immédiat. Et les tournures que prennent le vocabulaire n'est pas émancipatoire. Plutôt ne sont pas, parce que j'ai dit les tournures, d'accord, c'est bon. J'ai peut-être dit la tournure en fait, donc ce n'est pas quoi. Waouh, putain, je réécouterai l'enregistrement et je corrigerai la prochaine. Il reste une quarantaine de minutes avant que je vous loge une balle dans la tête. C'est-à-dire la fin de l'émission Nuisance. Le salut. Sempiternel. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais si vous y tenez vraiment, je peux vous loger une balle dans la tête tout de suite. Fuck la convention. La convention de merde. On l'encule. On la prend et on encule la convention. Et donc le conventionnel, on le prend et on l'encule aussi. Et tout ce qui est convention, conventionnel, on le prend et on l'encule. Sinon on le tue. Ouais, ça va plus vite. Je tiens à préciser que je dis tout le temps le terme enculé parce que c'est pour moi un signe blablabla. Par contre, ce que je veux dire, c'est que j'ai une bite. J'ai une bite. C'est pour ça que je dis tout le temps enculé. Sinon, si j'avais une chatte, donc, je dirais sûrement une phrase un peu plus longue. Et ce serait celle-ci. Ce serait... Je le prends. Je mets mon gars de ceinture et je l'encule. C'est un peu plus long, mais c'est bien aussi. Je répète, donc si j'avais un vagin, je prendrais un gars de ceinture et je l'enculerais, le conventionnel et la convention. Zah. Merde, y a plus de scud. Oh, j'avais pas prévu le truc, quoi. Putain, on est vraiment dans la merde, je veux dire. Hein. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre encore pendant 35 minutes ensemble? Avec qu'une voix, la mienne, bien sûr, adorée par moi-même. Cette voix, donc, individualiste, sociétale. J'y tiens. Aux adjectivisations. Et donc, celle qui m'appartient. J'en fais ce que je veux. On est bien d'accord. Et donc c'est pour vous dire que ce n'est pas la faute de cette radio si cette émission est merdique, ou à chier, ou puante. Je vous laisse le choix du terminologique. Mais ce n'est pas donc la faute de la radio. Non. C'est bien la nôtre. À vous et à moi. Car vous êtes l'environnement de l'être humain que je suis. Et ne l'oublions pas. N'oublions pas encore une autre chose, nous allons tous mourir un jour. Oh, quel vil espoir! Le vil espoir. Je précise que le vil espoir est un truc de merde. Si vous ne l'aviez pas compris déjà. Je répète que le nom de l'émission que vous écoutez actuellement est Nuisance, avec un S ou pas à la fin, donc le S est entre parenthèses. C'est une idée originale de moi-même et je suis le présentateur vedette de la radio, non pas de la radio, mais de l'émission Nuisance donc. Et l'émission Nuisance, c'est donc l'émission que vous écoutez actuellement. Légalement, je suis tenu à vous rappeler tous les je ne sais combien que c'est la radio Canal Sud 92.2 FM à Toulouse que vous écoutez. Ou si vous n'êtes pas à Toulouse, ou peut-être que vous êtes à Toulouse mais que vous écoutez sur le net, c'est canalsud.net, l'adresse internet avec un http et un www et un 2.1.2.slash/, je ne sais jamais lesquels c'est. Ce sont, pardon, des anti-slash ou des slash. Cette forme d'intolérance verbale à laquelle vous assistez depuis environ 1h20, pardon, j'ai commencé un peu en retard, 21h10. Car je suis arrivé en retard, oui. Vous m'accorderez quand même que c'était que de quelques minutes. Une dizaine, à peine. Mais vous n'êtes pas obligé de me l'accorder. Et ça, non. Je vous l'accorde. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette merde ce soir. Vous pouvez toujours ne pas le faire. C'est-à-dire écouter cette merde ce soir. Bordel, je trouve le temps long. Je veux dire, quand je fais des longues phrases comme ça, lentement, le temps est long. Par contre, si on parle bien normal et tout, le temps est moins long. C'est vrai. Donc vive la normalité. Ce soir dans Nuisance, nous célébrons la normalité. Ouh ! Normalité ! Yeah, yeah, yeah. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Allons tous nous faire normaliser, normativiser. Visons la norme. Nous sommes la norme. Normons-nous, normons-nous. Ne nous nommons pas, ne nous nommons pas. Normons-nous, normons-nous. Ne nous nommons pas, ne nous nommons pas. Car au-delà du climat identitaire, le corpuscule est mort derrière le métal de la machine. L'investissement financier sur la côte du Saint-Étuc dans les années 45 et autres ont permis l'oubli du ou de la, devrais-je dire, naturalité. La norme est devenue classée comme classable en fonction du temps, mais inchangée dans l'instant. La norme, c'est nous. Nous sommes la norme. Ich bin la norme. Oui. Normons-nous. Normons-nous. Normons-nous. C'est beau la norme. C'est beau. Bon, si c'est pas beau, c'est moins joli. C'est joli la norme. Ça protège du sublime. C'est joli parce que comme ça, on a un plaisir immédiat. La norme. J'appartiens. J'appartiens. Je suis la possession de la norme. Je prends la norme. Car je suis la norme, enfin. Je deviens enfin l'union sacrée avec la norme. Le passage initiatique subjectif a été individualisé par les têtes pensantes des dirigeants, par l'argent. Et nous permettons cela pour le plaisir immédiat. Et ça clique, et ça claque, les cœurs y claquent, à chaque instant. Les plus pauvres, les plus souffrants, les plus riches, les bons enfants, on les aime toutes et tous, crevés. Les pauvres, je veux dire, car les riches nous les aimons vieux, et beaux, et forts. Puissant. Je ne sais quoi d'autre, mais nous les aimons, car l'amour du patron, l'amour du grand, l'amour du chef, du dirigeant, du charisme attique ou ad hoc, nous fait claquer des dents, car le grincement n'est plus de ce temps. Nous avons passé le stade du grincement de dents en nous claquant les neurones sur de la merde, sur des séries, sur des acharnements, sur des, comme je le disais tout à l'heure, il y a environ une heure, des circularités. Nous allons crever, c'est une continuité et non un cercle. Bande de merde, vous êtes norme, vous êtes norme. Vous êtes norme. Ne continuez pas la norme. La norme est toujours, toujours, toujours. Et vous resterez toujours sur Terre. Alors, je ris des pragmatiques ce soir. Le pragmatisme. Quel charisme ! C'est à ce moment-là précisément que je lui dis « Mais va te faire foutre, connard !» Enfin, dans mes pires cauchemars, car il est vrai qu'il m'aurait pété la gueule si je lui avais dit ça en réel. Donc je l'ai rêvé, et j'ai rêvé de lui, plusieurs fois, sur mon tapis. Que vous êtes tranquille chez vous et que vous voulez pas écouter de la merde, mais j'en ai rien à foutre. Et l'incohérence demeure reine chez moi. L'incohérence, c'est ma maman à moi. L'incohérence, comme l'irrationnel, eh ben c'est pas pareil. Donc c'est pas comme en fait. Par contre, l'incohérence, c'est comme ça, tu vois. Ne corrigeons rien, mes frères et sœurs. Ne corrigeons rien. Je suis coupable, coupable, tout est de ma faute. L'incohérence est donc la reine de ma demeure. Viens, incohérence, que je te baise, qu'on baise ensemble, je veux dire. Ce serait cool, hein. Incohérence, incohérence. Tu viens ? Ah, t'as pas me faire le même coup que Osmose tout à l'heure. Hein. Parce que Osmose, déjà, m'a fait tout à l'heure, là, incohérence, t'as intérêt à venir. Et viens dans ma bouche, tant qu'à faire. Come in my mouth. Fantasy, oh fantasy, blah blah blah. Oh my god, it's full of shit. Le match poursuit son cours. Le boxeur numéro 1 est en train de battre à mort les joueurs de l'équipe nationale de rugby B. « Vive la violence! Vive les morts! Vive le sang! Vive la merde! Vive nous! Je suis le miroir déformant de la société. L'inspiration vient d'ailleurs et pas de nous, bordel de merde. Elle ne fait que passer. Les mots sont d'une richesse de merde, car restrictifs. D'essence, l'essence est en hausse ou en baisse, je ne sais pas, mais le carburant, méthanol ou oïde, comme un alcal, est en hausse ou en baisse, je ne sais pas non plus. Le silence est de prime abord la prime nuisance. Et vous ne devez pas avoir beaucoup de silence chez vous, car il n'y a pas de silence pour nous, êtres vivants. Sauf dans la mort. Enfin. La continuité de la mort. Vous écoutez l'émission Janche avec Al sur Canal Sud 92.2 FM au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, France. Ou sur le web sur le canalsud.net. Vous pouvez m'appeler au 05 61 53 36 95. Si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de ne pas vous dédicacer de trucs, quoi que ce soit. Non, rien. Car il n'y a pas de dédicace à Canal Sud. Je disais donc le silence d'une radio. Vivante par la présence d'un être vivant dans le studio. Et par rien d'autre que l'énergie ondulatoire des machines. Nous pouvons devenir la machine. Nous le devons. C'est notre extension. Comprenons. Le but de la vie, c'est d'être une machine. Il y a quelque chose là que je n'avais pas compris, mais qu'à présent, j'entrevois la possibilité d'un éblouissant éclat de verre, d'asticot, dirais-je. Même. La vie, blablabla. La mort, oui. Le son cosmique que vous entendez est une production collatérale par plusieurs membres d'une assemblée cachée, d'initiés, dans une salle avec des fenêtres et une porte donnant sur un jardin. Ces gens étaient vivants au moment de l'enregistrement. Les machines, elles, étaient mortes. Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Pour quel comprenez-vous ? La continuité dans le vocable est indispensable pour permettre. Oh shit, it's full of shit. Ha, it's really full of shit. The whole world is full of shit. I am full of shit. We are all full of shit. Now, I was talking of it at the beginning of the show, and I still think it means something to me. I mean it. It's good. When I say good, it's to you I'm saying good, because I don't believe good is the word. I believe shit is the word. But you would be vexed if I told you you shit-faced, fuck-faced, shit-fuck-faced, shit-fit-shit-fit-shit-fit-shit-fuck-faced-shit. So I do not tell you fuck-faced shit in the face. I say good. Do you understand? That is why I said shit is good, you see? For you are shit to me. You mean shit? Deserve shit, you will get only shit and death. You will be so happy about death, the shit won't mean anything anymore. Death will be the answer to your prayer. Death is good to you. You love death. You must die. To die is your goal. To die is the summum of your acme. You will be interceding with the forces you come from when you will be dead. Do you understand? Die, motherfucker! Die! Il y a un contexte présentiel dans ce poème, j'avoue. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, il y a une exposition de Nargès, une amie, pas mal de photos sur les murs de l'exposition salle, la salle d'exposition de Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse. Elle y est encore pour un petit moment. Ce sont non seulement des autoportraits, mais c'était également une exposition qui est un peu avec une sous-phrase, quoi. La sous-phrase, c'est donc « Ici, la seule personne que je reconnaisse, c'est moi-même. » C'est la sous-phrase, donc, de l'exposition de Narguez que vous pourrez suivre quand vous voudrez au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, donc dans le quartier Palais de Justice, métro Palais de Justice Saint-Michel, pardon, vers la rue Saint-Michel, quartier Palais de Justice, au 40 rue Alfred Duméril, la salle d'exposition, donc plutôt la journée, entre 10h et 17h, un truc comme ça, quoi. C'est de passer quand vous voulez, quoi, entre 10h et 17h. Évitez entre midi et 2 la semaine. C'est pas le bon moment de passer à Canal Tube. Il y a des bombes un peu partout. Faites gaffe, c'est extrême ici. L'intérêt est ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt d'une émission qui nuit au sens comme nuisance, ben, il n'y en a pas. Excusez-moi, je vous ai toussé à la gueule, quoi. Ah, je suis vraiment désolé. Dieu de la mort ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Encore une fois, je vous rote à la gueule. Oh non, je nous rote à la gueule. Je nous rote à la gueule. Genoux, tête, genoux, pieds, genoux, pieds. Pour rappel, ce que vous êtes en train d'écouter est un enregistrement du 28 février 2010 au Pavillon Sauvage pour un dimanche dissonant. Je ne sais pas Marco, salut Marco, si tu nous écoutes, c'est pas une dédicace. Et il y avait plein de monde, des gens super bien, donc qui faisaient des super trucs avec des super machins. Et dont de l'expérimental, de l'ambiante et du brutiste. Je vous laisse apprécier. D'avance, merci de ne pas éteindre le poste avant d'écouter. profiter de l'instant pour rouler une clope. Je suis donc de retour avec vous pour vous déclarer ma flamme. C'était le cosmos qui vous parlait. Le cosmos. N'oublions pas la crevure, la sale raclure, pour qui nous dédicaçons tout simplement une merde, pleine de fric, comme une valise puante, la merde pleine de fric sera fliquée et jamais raillée. Protégé par la sécurité de l'emploi, du travail. La teneur du soufre dans l'air, eh ben c'est trop tard. C'est trop tard. On est déjà mort. Vive la paix sur terre et surtout la bonté de donner du fric aux riches. Et l'incompréhension règne. Justement, c'est humain. Restons ensemble pour toujours. Cherchez l'outrecuidance, monsieur. Cherchez l'outrecuidance. Vous ne trouverez pas le désespoir, car il n'y avait pas d'espoir pour commencer. La limite est atteinte pour vos neurones flatulents. Je vais à présent vous libérer de la torture de mes idées sur le monde humain. Bonne nuit.